from the coast to the coast. Jazz is king, jazz is the thing the folks dig most. That's jazz. Like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright. And may best-seller de Bing Crosby dans une version à deux voix avec Ella Fitzgerald. C'était White Christmas, composé en 1941 par Irving Berlin, que Crosby interprète dès l'année suivante dans le film Holiday Inn, une chanson qui entre immédiatement dans la culture américaine et se vendra à plus de 300 millions d'exemplaires. C'est le 45 tours le plus populaire de tous les temps. Et puis juste auparavant, Bing Crosby et son ami Louis Armstrong et sa trompette dans une de leurs apparitions ensemble au cinéma. C'était dans High Society, le film avec Frank Sinatra et Grace Kelly sur des musiques originales de Cole Porter. Bing Crosby fut l'un des artistes blancs qui a le plus fait pour soutenir et faire reconnaître les artistes de couleur. Il adorait par exemple Louis Armstrong, c'était un de ses modèles au début de sa carrière. Il l'avait même imposé en 1936 dans un film dont il était la vedette contre le patron de la Columbia. Il avait fait créditer Louis Armstrong sur l'affiche à ses côtés. Bing Crosby est ce qu'on appelle un crooner, un des tout premiers de l'histoire. Il naît avec le début du XXe siècle, sur la côte ouest, dans l'état de Washington, c'est pas loin de Seattle. Il est le quatrième enfant d'une famille où on aime la musique. Alors son prénom, en fait, c'est Harry Lillis, mais il prend le surnom de Bing parce qu'il est inspiré par un de ses héros préférés de bande dessinée, un personnage qui s'appelait Bingo et qui avait comme lui un visage en forme de pêche et avec des oreilles décollées. Alors, il est bon chanteur, mais il est cancre notoire et il démarre dans la musique très tôt. Il est d'abord batteur dans un groupe au lycée. Le jazz l'attire et puis il se met à chanter. À 20 ans, il crée The Musical Ladders et de fil en aiguille, avec un copain lycéen, Al Rinker, leur groupe se fait remarquer, sa voix se fait remarquer. Le tout premier enregistrement, il date de 1926 avec un problème, vous allez l'entendre, parce que la maison de disques trouvait que le rythme de la chanson était un peu trop lent. Alors pour le rendre un peu plus jazz, la maison de disques a augmenté le tempo, ce qui, selon les dires de Bing Crosby, leur donnait des voix d'écureuil. Thank you. does no stopping, cause he just keeps rolling. He keeps rolling along, rolling along. He don't plant taters, he don't plant cotton. Them that plants them is soon forgotten, but old man River, he keeps rolling along. You and me, we sweat and strain, body all aching and racked with pain. Tote that barge, lift that bale, get a little drunk and you land in jail. I get weary, sick of trying, I'm tired of living, scared of dying, but old man River keeps rolling along. La voix de Bing Crosby à ses tout débuts en 1928 avec l'orchestre de Paul Whiteman. Vous avez reconnu Old Man River, c'était une chanson de la comédie musicale qui venait d'apparaître à l'époque, Showboat de Jérôme Kern. C'est Mildred Bailey, la grande chanteuse noire, qui avait convaincu Paul Whiteman d'auditionner Bing Crosby et son acolyte Al Rinker. Whiteman les engage et les deux vont aussi s'associer avec un pianiste, parolier, compositeur farfelu de son orchestre, dénommé Harry Barris. Tous les trois vont former le groupe The Rhythm Boys. Ils vont mêler leurs trois voix et ils feront un tabac dans les concerts de Paul Whiteman. Ils vont même enregistrer une vingtaine de titres avec l'orchestre et on les verra au cinéma lorsque, par exemple, l'orchestre apparaît dans le film King of Jazz. De fil en aiguille, Bing Crosby émergera de ce groupe. Alors on dit souvent que Bing Crosby était le premier crooner. Il faut se replonger dans cette période de la fin des années 20 jusqu'ici au théâtre. Les comédiens pour chanter au théâtre doivent souvent belter, crier. C'est Irving Berlin qui disait de Ethel Merman que quand elle interprétait des chansons, les paroles avaient intérêt à être bonnes parce que même au poulailler, on les comprenait. Lorsque la carrière de Bing Crosby débute, eh bien, le moment est favorable parce qu'on généralise l'usage du micro et de l'amplification. Du coup, Crosby peut se débarrasser de cette obligation et titiller avec nonchalance, avec un côté débonnaire, le micro. Il peut phraser les paroles d'une façon naturelle et inédite. Pour bien comprendre, je vous propose d'écouter l'ancien et le nouveau. Bing Crosby en duo avec celui qui était aussi son modèle, mais qui criait plus que lui pour chanter, le comédien Al Jolson. Deux voix, deux façons de chanter. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Listen to me, and to me, while I tell you, cut me in, of the Spaniard that blighted my life. La la la la, la la. Listen to me, and to me, while I tell you, I hear you, of the man who stole my future wife. La la la, 'twas at the bullfight where we met him. Yeah, yeah. We'd been watching his daring display. Oh, the schmo, and while I went out for some nuts and a program, the dirty dog stole her away. The pig. Oh, yeah. Oh, no. Oh, yeah. Oh, no. But I've sworn that I'll have my revenge. Yes, he swears that he'll have his revenge. If I catch Alfonso Spagoni, the Toreador, he'll rule. With one mighty swipe, I will dislocate his belly jaw. Oh, and he will. He will. I'll find this bullfighter, I will. And when I catch him, the blighter I'll kill. He shall die. He shall die. He shall die. He shall die. He shall die till the eye tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie. He shall die. I'll kill him. He shall die. I'll fracture him. I'll raise a bunion on his Spanish onion if I catch him bending tonight. when he gets that spaghetti, he will wish that he'd never been born. And for that special reason, his stiletto he's fetched out upon. It cost me 5 shillings to fetch it. Pretty penny. The expense it has caused me much pain. Well, rather. But the pawnbroker promised, when I've killed Spigoni, he'll take it in pawn once again. That's nice. Oh, yeah. Oh, no. Oh, yeah. Oh, no. So tonight there will be dirty work. So tonight there will be dirty work. Tweety, tweety, tweet, tweety, tweet, tweety, tweet, tweet, tweety, tweet. Say, Bing, I don't think that fits. What, that note? Yeah. Well, take it out, wear it a while, bring it back. Think we should continue? Well, we'll go to jail for doing this. I'll raise a bunion on his Spanish onion if I catch him bending tonight. La, la, la, la, la, la, la, la. What is it? Night winds cold and melancholy, wail a blue finale for my tragedy. Like a miserere meant for only me, while I linger weary neath a willow tree. Right here our romance was started, here again we parted when I set you free. All my thoughts are jumbled, everything is blurred, all the world has crumbled, shattered by a word. The end has come, my heart is numb. 'Twas like a bolt from the blue above. I can't believe it, but you're gone, darling, and here lies love. The sky is dark, and I hear a lark. He sounds as sad as a mournful dove. The dew appears like the tears of dawn, darling, for here lies love. All my dreams lost beyond recall, dreams of spring blasted in the fall. You gave lips, you gave arms, I gave all. I ought to cry, my eyes are dry. There's only one thing I'm conscious of. I only know that I can't go on. Darling, here lies love. The end has come, and my heart is numb. 'Twas like a bolt from the blue above. I can't believe it, but you're gone, darling, and here lies love. Ya-da-dee-da-da-dee-dee. I only know that I can't go on, darling, for here lies love. On est en 1932 et Bing Crosby est devenu une vedette. Tout est allé très vite, il est en contrat avec le studio Paramount, il tourne son premier film, The Big Broadcast, il a un contrat avec la maison de disques Decca, il présente une émission de radio hebdomadaire sur CBS et il collectionne les tubes comme ce Here Lies Love où vous l'avez entendu, il vient de troquer, à la demande de son producteur, sa casquette de jazzman pour des rythmes, on va dire, plus veloutés. C'était Here Lies Love, extrait justement du film The Big Broadcast, composé par Leo Robin et Ralph Ringer. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Tout est allé très vite pour Bing Crosby grâce à sa voix, grâce à son frère, excellent producteur qui réussit à convaincre, à CBS, le big patron, Bill Paley. Grâce aussi à un premier contrat au cinéma avec le fameux réalisateur-producteur Max Sennett qui lui avait proposé auparavant un contrat solo pour tourner dans des courts-métrages. En tout, Bing Crosby tournera 79 longs-métrages au rythme de 3 par an, souvent des comédies musicales qui mettent en valeur sa voix, notamment en 1934, on le voit dans Anything Goes, où il côtoie S.L. Merman. Et puis en 1933, un an auparavant, il est le héros de Going Hollywood, en français « Au pays du rêve », film de Raoul Walsh. Comme souvent, il interprète son propre rôle. Là, il rencontre une prof de français qui décide de le retrouver pour lui avouer que sa façon de chanter a changé sa vie. Et dans ce film, il interprète, il crée cette chanson « Beautiful Girl » que vous reconnaîtrez forcément parce que quelques années plus tard, on la retrouvera dans « Chantons sous la pluie ». Beautiful girl, you're a lovely picture. Beautiful girl, you're a gorgeous mixture of all that lies under those big blue skies. My heart cries, beautiful girl, you're a dazzling eyeful. Beautiful girl, I could never trifle if I had you. You'd be my dream come true. There may be blondes and brunettes that are hard to resist. You surpass them like a queen. You've got those lips that were meant to be kissed, and you're over sweet 16. Oh, beautiful girl, what a gorgeous creature. Beautiful girl, let me call the preacher, what can I do but give my heart to you? If I could write like poets do, I'd send my sonnets all to you. Beautiful girl of my desire. But when I search for words of praise, I'm like a schoolboy in a daze. When you come my way, this is all that I can say. My heart just cries, beautiful girl, you're a dazzling eyeful, beautiful girl, I could never trifle, if I had you, you'd be my dream come true. There may be blondes and brunettes that are hard to resist, you surpass them like a queen. You've got those lips that were meant to be kissed, and you're over sweet 16. Oh, beautiful girl, what a gorgeous creature. Beautiful girl, let me call the preacher, what can I do but give my heart to you? Beautiful girl. You ready for this? Who's that coming down the thoroughfare? The sunshine flashing on his ring. Bowing left and right and here and there. You're delightful. Just floating. That's Chester, the trombone king. He gets his shirts straight from Paris, cigarettes from the Nile. He talks like an eyebrow, but he plays Chicago style. He gets his shoes made in London and the real crocodile. But he plays trombone Chicago style, and he sometimes plays sweet. But sweet or hot, he's always got that real gut bucket beat. He's got a neat Latin mustache, and the girls love his smile. He plays trombone Chicago style, a trombone made in Munich, made in Chicago style. This will drive him crazy when it doesn't come back. Yeah, come on. You, come back here. Tom, don't run your way. Here. Vous êtes bien sur France Musique avec aujourd'hui sur la grande affiche ce crooner de Bing Crosby, ce jazzer de Bing Crosby. Vous pouvez réagir sur la page Facebook de l'émission 42e rue et puis sur Twitter avec le hashtag 42 rue. 79 films pour Bing Crosby au cinéma, dont plusieurs en duo avec Bob Hope. C'est ce qu'on vient d'entendre. La série s'intitulait en fait En route pour. Alors, ce sont pas des chefs-d'œuvre, ce sont des films comiques qui pastichent des films de genre populaire comme Les Mille et Une Nuits. Et à chaque fois, Bing Crosby tient en gros le rôle du playboy ou de l'artiste. Et Bob Hope est plutôt son acolyte. Alors, il y aura un En route vers Singapour, un En route vers le Maroc, En route pour Hollywood. Et là, à l'instant, je vous ai fait entendre le début de En route pour Bali en 1952. C'était une chanson composée par Jimmy Van Heusen avec des paroles de Johnny Burke. Ça s'intitulait Chicago Style. Un petit peu plus tôt, en 1941, Bing Crosby était le héros d'un autre film qui racontait les origines du jazz en Nouvelle-Orléans. Un film qui s'intitulait tout simplement Naissance du Blues, Birth of Blues. Bing Crosby incarnait un talentueux clarinettiste. Il était entouré de Mary Martin et Brian Donlevy. Et ils interprétaient ce titre enlevé de Johnny Mercer, The Waiter and the Porter and the Poster's Maid. As your genial host, may I offer a toast to the wine-buying guest on my right. Hooray for the wine buyer! Yes, drag out the cook and sherry for the old colonel. May his bank account grow, heavy laden with dough. May he spend it in here every night. Every night. Seeing this night in its glory, you people so loyal, so true, puts me in mind of a story. Tell us about it, pray do. The people in the ballroom were stuffy and arty, so I began to get just a little bit afraid. I sneaked into the kitchen, I dug me a party, the waiter and the porter and the second story maid. I peeked into the parlor to see what was a-hatching, in time to hear the hostess suggest a charade. But who was in the pantry a-laughing and scratching? Old waiter and the porter and the upstairs maid. When they heard the music that the orchestra played, the waiter and the porter grabbed a hold of the maid. Then they all proceeded to go into a clog. Hot diggity dog. If ever I'm invited to some fuddy-duddies, I ain't a-gonna watch any harlequinade. You'll find him in the kitchen applauding his buddies, the waiter and the porter and the upstairs maid. Pardon me, folks, the roast is carved, the wine is served. Why, you look half-starved. Pardon me, sir, may we be free? The kitchen crowd is having a jamboree. I went and got a dishpan to use as a cymbal. The porter found a regular glass that he played. The fingers of the waiter were each in a thimble. You should have heard the music that the combination made. Marching through the kitchen to the pantry and back. Why, man, you should have seen as we were bowling the jack. Once a half an hour passed without any call. Jack, we had a ball. The waltzes and mazurkas, we hate them, we spurn them. We got a lot of rhythms we want to hear play. Yes, and we know who to go to when we want to learn them. The waiter and the porter and the upstairs man. Photographers will snap us, and you'll find that you're in the row to grab your. Oh, I could write a sonnet about your Easter bonnet and of the girl I'm taking to the Easter parade on the avenue. Fifth Avenue, the photographers will snap us, and you'll find that you're in the row to grab your. Oh, I could write a sonnet about your Easter bonnet and of the girl I'm taking to the East. Hello. I didn't exactly expect the welcome mat, but I thought somebody might say hello. Hello. En 1942, Bing Crosby est la plus grande star américaine de cinéma. Il vient de tourner Holiday Inn, le film inspiré par le compositeur Irving Berlin, où il a créé cette fameuse chanson White Christmas qui fera le tour du monde, et où aussi Irving Berlin a créé cet autre futur standard, Easter Parade, qu'on vient d'entendre et que reprendra Judy Garland quelques années plus tard dans un film qui porte le même nom. Alors, Bing Crosby est un crooner, certes, mais il reçoit aussi un Oscar. Ça sera en 1944 pour un film audacieux intitulé Going My Way, en français La route semée d'étoiles, du réalisateur Leo McCarey. Là, dans ce film, il incarne un jeune prêtre qui arrive dans une paroisse des quartiers pauvres de New York et qui, malgré quelques frictions initiales, parvient à charmer le vieux pasteur auquel il doit succéder. Le film, avec en tête d'affiche Bing Crosby, est le grand succès de 1944. Il reçoit 7 Oscars. Bing Crosby reçoit l'Oscar du meilleur acteur et il crée aussi cette chanson signée encore Jimmy Van Heusen et Johnny Burke. Would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar and be better off than you are? Or would you rather be a mule? A mule is an animal with long, funny ears. Kicks up at anything he hears. His back is brawny, but his brain is weak. He's just plain stupid with a stubborn streak. And by the way, if you hate to go to school, you may grow up to be a mule. Or would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar. And be better off than you are. Or would you rather be a pig? A pig is an animal with dirt on his face. His shoes are a terrible disgrace. He has no manners when he eats his food. He's fat and lazy and extremely rude. But if you don't care a feather or a fig, you may grow up to be a pig. Or would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar. And be better off than you are. Or would you rather be a fish? A fish won't do anything but swim in a brook. He can't write his name or read a book. To fool the people is his only thought. And though he's slippery, he still gets caught. But then if that sort of life is what you wish, you may grow up to be a fish. New kind of jumped up slippery fish, and all the monkeys are in the zoo. Every day you meet quite a few. So you see, it's all up to you. You can be better than you are. You could be swinging on a star. From May to December, but the days grow short when you reach September. When the autumn weather turns the leaves to flame, one hasn't got time for the waiting game. All the days dwindle down to a precious September. November. And these few precious days I'll spend with you. These precious days I'll spend with you. Alors, est-ce que vous avez reconnu la voix qui chantait en duo avec Bing Crosby ? France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. Frank Sinatra. Lorsque Sinatra déboule dans le paysage américain dans les années 40, Il bouscule jusqu'à Bing Crosby. Son arrivée, la folie des fans en 1942 lors de son passage à New York, coïncide avec la fin de la domination de Bing Crosby. Bing Crosby veut lui faire une place, on vient de les entendre ensemble chanter. C'était en 1954 dans l'émission de radio de Bing Crosby, une chanson qui s'intitule « September Song » de Kurt Weill. Mais Sinatra, lui, est plutôt du style à bousculer. Le fait est qu'il met beaucoup plus d'émotion dans sa voix, qu'il vit les paroles encore plus que Bing Crosby et qu'il lui donne un coup de vieux. On les retrouvera néanmoins ensemble en 1956 dans High Society, le film avec Grace Kelly sur des musiques de Cole Porter. Et on les retrouvera aussi en 1964 dans Les Sept voleurs de Chicago, un film comique avec Dean Martin, Frank Sinatra. Les deux donnent une leçon vestimentaire au personnage incarné par Bing Crosby. Some people dress 'cause they like to get dressed. But you just dress to get dressed. It's only a hunch, but I'll bet you a bunch he wears suspenders, a belt, and a vest. Am I correct in my assumption that you gentlemen find my habiliments reprehensible? I think there's something wrong with his throat. I told him that 6 weeks ago. From the tip of your toes to your head, you look like an unmade bed. Well, now, I hate to belabor the obvious, but in the interest of semantics, I'm impelled to observe that you've just indulged in a mixed metaphor. Oh, it's a stroke. It's a stroke, yeah. You've either got or you haven't got style. If you got it, you stand out a mile. A flower's not a flower if it's wilted. A hat's not a hat till it's tilted. You've either got or you haven't got class. How it draws the applause of the masses. When you wear lapels like the swellest of swells, you can pass any mirror and smile. You've either got or you haven't got. Got or you haven't got. Got or you haven't got style. Try this. You've either got or you haven't got style. Got or you haven't got style. If you've got it, you stand out a mile. Got it, you stand out a mile. You look like something of a disaster area. You think I'm too bizarre? No, I think you're too carnival. Get up. With mother pearl kind of buttons, you'll look like the Astors and Hutton. You've either got or you haven't got class. Oh, you haven't got class. How it draws the applause of the masses. When you wear lapels like the swellest of swells, you can pass any mirror and smile. Do you mind? Well, you've either got or you haven't got charm. Got or you haven't got charm. Style and charm sort of go arm in. They kind of go arm in arm. A flower's not a flower if it's wilted. A hat's not a hat till it's tilted. You've either got or you haven't got style. If you got it, you stand out of mind. Got it, you stand out of mind. Got it, you stand out. that playing? Yes, I hear that playing. Do you know who's playing? No, who is that playing? Why, it's Gabriel, Gabriel playing. Gabriel, Gabriel saying, will you be ready to go when I blow my horn? Yeah! Oh, blow, Gabriel, blow. Go on and blow, Gabriel, blow. I've been a sinner, been a scamp, but now I'm ready to trim my lamp. So blow, Gabriel, blow. I was low, Gabriel, low. Mighty low, Gabriel, low. But now since I've seen the light, I'm goodbye day and goodbye night. So blow, Gabriel, blow. Blow, Gabe, blow. Blow, Gabe, blow. Blow, Gabe, blow. Gabriel, blow your horn. When I got to Satan's door, I heard you blowing on your horn once more. So I said, Satan, man, I'm cutting on out of here. Blow, Gabe, blow. Gabriel, blow. Blow, Gabe, blow. Gabriel, blow. Blow, Gabe, blow. Gabriel, Gabriel, blow your horn. My soul and my heart too. So climb up the mountaintop and start to blow. Et pour refermer cette grande affiche consacrée à Bing Crosby, un extrait de cette nouvelle adaptation de Anything Goes de Cole Porter en 1956 au cinéma. C'était Blow, Gabriel Blow. Sur la page de 42e rue, sur francemusique.fr, vous retrouverez la programmation musicale de cette émission d'aujourd'hui. Ça se bouscule au portillon des comédies musicales en ce mois d'octobre. Premier sur le podium, clairement, Grease vient d'ouvrir au théâtre Mogador. Avec Cabaret, il s'agit certainement du spectacle le plus professionnel produit par Stage à ce jour. Avec des chorégraphies athlétiques, des chansons qui, comme l'a initié à Lyon Jean Lacornerie, ne sont pas forcément toutes traduites en français. Un orchestre de 8 musiciens visibles en haut de scène, dirigé par Dominique Trottin, jusqu'ici habitué à des musiques plus classiques, et avec un casting jeune, péchu, qui donne à penser que le vivier des artistes de comédie musicale en France est certainement en train de fleurir. Bref, jubilation assurée, avec en plus deux graines de stars dans des rôles inattendus, Céline Groussard et Alexandre Fetrouni, qui en font des tonnes dans les rôles de directrice d'école et du Fayot. Ils ont droit à des moments à la Jerry Lewis qui font éclater de rire la salle. Voici un petit extrait. La semaine dernière, il y avait une séance de présentation à la presse et la troupe a notamment interprété cette chanson-titre. We gotta feed it right. There ain't no danger, we can go too far. We start believing now that we can be who we are. Grease is the word. They think our love is just a growing pain. Why don't they understand? It's just a crying shame. Their lips are lying, only real is real. We stop the fight right now. We got to be while we en anglais. Hé, hey, cette vieille peau, elle peut pas me blairer. Tu rigoles? Je suis sûr qu'elle en pense pour toi. Quoi? Ben ouais, c'est pour ça qu'elle te prend chaque année dans sa classe. Elle attend juste que tu grandisses un peu. Nous aussi d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, bah cette année, je conseille pas de me faire chier, tu vois. Cette année, si elle continue de me parler... Je suis toute oui, Sonny, oui. Bonjour. Vous avez passé un bel été? Oh, vous n'avez pas idée. 2 mois sans vous tous, là, The Paradise. Le paradis, Sonny. Vous ne devriez pas être en classe? Alors en fait, Sonny, c'est que... Il me reste 17 années avant la retraite. Et vous savez ce qui me ferait plaisir? C'est que vous quittiez cet établissement avant moi. Alors, host, l'année a commencé, on s'active. Grease avec Alexis Loison, Alizée Lalande, Alexandre Fetrouni, Yannis Sia, Emmanuel Nzouzi et Céline Groussard à découvrir à Paris au théâtre Mogador. Sur la page de 42e rue sur France Musique, vous retrouverez les détails de ce spectacle, la programmation de l'émission. Vous pouvez aussi revoir les vidéos de l'émission il y a 15 jours, le cabaret 42e rue avec Broadway au carré et les frivolités parisiennes. Vous pouvez nous écrire, commenter l'émission. Vous pouvez tweeter avec le hashtag 42 rue et vous pouvez aussi nous écrire via la page de 42e rue sur Facebook. On se retrouve la semaine prochaine en direct du studio 105. Nous serons avec les artistes de West Side Story. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée par Laurent Vallière, préparée avec Martine Moni, avec ce matin à la technique Philippe Brodin et à la réalisation Perrine Minguy. Rideau. Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.